Chapitre 3e, Lord Ongar. Le lendemain matin, Harry Clavering se rendit à cheval à Stratton, songeant en route à son triste sort. Il avait bien pu, en présence de sa famille, parler de sa profession à venir comme du seul objet de ses préoccupations, mais il savait bien qu'il les trompait en leur parlant ainsi. Cette question n'avait après tout qu'une importance secondaire pour lui. Portant une plaie au cœur, une douleur déchirante dans son sein, et que rien ne pouvait calmer. Les êtres qu'il aimait ne savaient rien de tout cela, et il aurait soin de le tenir toujours secret pour eux. À quoi bon les affliger en leur apprenant qu'il avait été rendu à jamais malheureux par suite d'espérances évanouies? Sa mère, il est vrai, avait soupçonné quelque chose dans les jours heureux où il rôdait avec Julie à travers le parc. Une ou deux fois, elle avait cru devoir lui donner un tendre avertissement. Mais ce qu'elle n'avait pas deviné, heureusement, au moins il le croyait, c'était la sincérité et l'ardeur de son amour. Il la laisserait donc dans son ignorance. Tout en se disant ces choses, il se plongeait dans son chagrin et s'exagérait son malheur. Il s'abreuvait de sa douleur et se sentait presque fier d'une tristesse qui lui avait brisé le cœur. Mais toute flétrie que fussent désormais ses espérances, il n'en travaillerait pas moins vaillamment à conquérir le succès dans le monde. Il montrerait à Julie qu'en l'épousant, elle put avoir une position plus enviable que celle que lui ferait Lord Ongar. Peut-être même en ferait-il plus vite son chemin dans le monde, n'ayant pas de femme ou de famille pour le gêner dans sa carrière. Puis, tout en chevauchant dans le sentier, il fit un sonnet sur son aventure. Un sonnet dont la pensée et le rythme lui parurent presque parfaits. Malheureusement, quand il fut de retour à Clavering et qu'il prit la plume pour écrire le dit sonnet, il se trouva que les vers étaient complètement sortis de sa mémoire. Il trouva M. Burton chez lui, et il ne lui fallut pas longtemps pour conclure avec lui. M. Bailey et Burton étaient à la fois ingénieurs civils, géomètres, experts en matière d'expropriation, et faisaient des affaires sur une vaste échelle. Le gouvernement les employait souvent pour réévaluer les édifices publics, et ils passaient pour posséder toutes les connaissances propres aux architectes. Voulait-on acheter une grande propriété, on consultait M. Burton, dont la vie passait pour le meilleur dans tout le royaume. Et par suite, le bureau de Stratton était un endroit où il y avait beaucoup à apprendre. M. Burton, néanmoins, n'était pas aussi riche que son associé M. Bailey, et c'était un homme sans aucune ambition. Il n'avait jamais aspiré à un siège au Parlement, n'avait jamais spéculé, jamais rien inventé, jamais fait ce qu'on appelle de grandes choses. Il était père de nombreux enfants qui avaient tous réussi dans le monde, quelques-uns même mieux que leur père. On disait aussi que M. Burton eût été beaucoup plus riche s'il n'eût pas été l'associé de M. Bailey, qui passait pour prendre plus que sa part partout où il allait. Une fois leurs arrangements conclus, M. Burton parla à son futur élève de ce logement et l'accompagna dans la ville pour chercher un appartement. M. Burton remarqua que Harry se montrait assez difficile à cet égard, et il se dit à lui-même que le nouveau venu aurait fait un meilleur apprenti s'il ne fut pas sorti gradué d'un collège. Le fait est que Harry causait avec M. Burton comme s'ils eussent été sur le pied de l'égalité, et peu avant qu'ils se séparassent, il semblait presque à M. Burton que Harry prenait avec lui un ton protecteur. Il invita néanmoins le jeune homme à dîner chez lui et le présenta à Mrs. Burton et à sa fille cadette, la seule de leurs enfants qui demeura encore avec eux. « Toutes mes autres filles sont mariées, M. Clavering, lui dit-il, et toutes mariées à des gens de ma profession. » Les joues de Florence Burton se couvrirent d'une légère rougeur quand elle entendit ces mots, et Harry se demanda si c'était l'intention du père Burton qu'il en passât par là lui aussi. Mais M. Burton ne se doutait pas le moins du monde qu'il eût commis une maladresse, et il entama l'éloge de ses fils et le récit de leur succès. « Mais, dit-il, ils ont commencé de bonne heure et travaillé avec ardeur, avec beaucoup d'ardeur. » C'était un bon vieillard que M. Burton, bienveillant et aimant à causer. Mais Harry commençait à douter qu'il pût apprendre beaucoup de choses à Stratton. Il était néanmoins trop tard pour se raviser, car tout était conclu. Harry, en jetant les yeux sur Florence Burton, se dit aussitôt qu'elle était commune. Rien ne pouvait être plus différent de Julie Brabazon. Celle-ci était grande, avec un front haut, un teint merveilleux, un nez modelé aussi finement que celui d'une statue grecque antique, une bouche petite, mais aux lignes ravissantes, et un menton gracieux qui achevait et rehaussait la parfaite symétrie de son visage. Elle avait le cou long, mais souple et gracieux comme celui d'un cygne, le buste bien pris, et l'ensemble de sa personne avait la majesté d'une déesse. Avec tous ses avantages, elle avait encore, quand il fit sa connaissance, tout le charme de la jeunesse. Quand elle était revenue dernièrement à Clavren, fiancée à Lord Ongar, il n'avait su s'il devait admirer ou regretter cet air de femme mariée qu'elle avait déjà pris. Ses grands yeux n'avaient jamais eu de rapides éclairs ni d'étincelantes lueurs, mais lui les avait trouvés adorables et ne s'était jamais douté qu'il leur manquât quelque chose. Depuis peu, il s'était aperçu ou il avait cru reconnaître qu'ils étaient devenus froids et parfois même cruels. Malgré tout, il était prêt à jurer qu'elle était d'une irréprochable beauté. La pauvre Florence Burton était courte, brune, maigre et avait l'air chétif. C'est du moins ce que se dit Harry Clavren. Sa petite main, bien que douce, n'avait pas, quand on la pressait, le charme indicible de celle de Julie. Elle avait le visage court et son front, bien que large et découvert, n'inspirait pas l'idée de domination féminine comme le front de la fière Julie. Les yeux de Florence étaient brillants, brillants et doux à la fois, il en convenait, et ses cheveux, d'un noir foncé, étaient lustrés et soyeux. Mais en somme, c'était une chétive petite personne. Il ne pouvait pas s'empêcher de faire la comparaison entre ces deux femmes, puisque Florence était la première jeune fille qu'il encore jamais vue depuis sa dernière entrevue avec Julie Brabazon. « J'espère, monsieur, que vous vous trouvez bien à Stratton, » dit la vieille Mrs. Burton. « Je vous remercie, mais je ne suis pas difficile et je me trouve bien partout. » Nous avions un jeune gentleman qui loua une chambre à coucher chez Mrs. Spott et se contenta d'une seule pièce. Vous vous en souvenez, monsieur Burton, c'était le jeune Granger. Ce jeune homme n'avait qu'une bien mince pension. Il vécut avec 50 livres par an tout le temps qu'il resta ici. Scarness n'avait pas d'avantage en commençant, reprit Mrs. Burton. Monsieur Scarness a épousé une de mes filles, Marie Clavering, quand il est allé s'établir à Liverpool, où il fait maintenant des affaires considérables. Je l'ai souvent entendu dire qu'il ne dépensait pas plus de 4 shillings par semaine chez le boucher, quand il demeurait ici. Stratton est, à mon avis, une des villes où un jeune homme peut vivre avec le plus d'économie. Je crois, ma chère, dit le mari, que M. Clavering s'inquiète fort peu de tout cela. C'est possible, mon ami, mais j'aime avoir des jeunes gens rangés et économes. À quoi bon dépenser 1 shilling quand la moitié suffirait? Les pièces de 6 pence qu'on économise, quand on n'a qu'à penser à soi, deviennent des livres sterling pour l'époque où l'on aura de la famille. Pendant cette conversation, Miss Burton n'avait presque rien dit, et Harry lui-même n'avait pas pu placer bien des paroles. Il ne pouvait pas exprimer l'intention de rivaliser avec l'économie de M. Scarness, ni de se contenter comme Granger d'une chambre à coucher. Tout en retournant chez son père, il commença à craindre de s'être trompé dans le choix de sa carrière. Il n'était pas précisément enchanté de la vie de collège, dont l'étroitesse le rebutait, mais l'échanger contre des soirées passées chez Mrs. Burton n'avait rien non plus de bien séduisant. Les économies de Scarness sur la viande de boucherie l'avaient déjà à moitié dégoûté de sa profession, et Stratton, avec toutes les économies que cette ville permettait de réaliser, ne lui promettait pas un séjour bien agréable pendant une année entière. Quant à Miss Burton, il lui était bien égal, qu'elle fût commune ou non, car il était en ce moment parfaitement indifférent à la beauté de toutes les femmes du monde. À son retour, Harry n'eut garde de faire part de ses déceptions à sa famille. Il était trop entier dans ses volontés pour avouer qu'il s'était trompé en quoi que ce fût, et quand il partit au commencement de la semaine suivante pour le collège de Saint-Cuthbert, il put parler avec une confiance joyeuse de ses nouvelles espérances. S'il finissait par trouver la vie insupportable à Stratton, il renoncerait aussitôt à cette carrière et tâcherait de se rendre à Londres le plus tôt qu'il lui serait possible. Le 31 août, Lord Ongar et Sir Hugh Clavering arrivèrent à Clavering Park, et comme il avait déjà été dit, Julie Brabazon reçut dans sa chambre à coucher un charmant billet de son futur époux. Quand elle alla rejoindre Lord Ongar au salon, 1 heure après, elle avait résolu de ne pas dire un mot au sujet de ce billet, mais elle ne put toutefois s'empêcher de lui dire en lui tendant la main « Je vous suis très reconnaissante, my lord, de votre obligeance et de votre générosité. » Il s'inclina, sourit et murmura quelques mots où il exprimait le désir qu'il lui fût toujours si facile de la contenter. C'était un petit homme sur le compte de qui le Peerage avait dû évidemment commettre une erreur. C'était au moins l'opinion de tous ceux qui jugeaient de son âge par son extérieur. Le Peerage lui donnait 35 ans, mais le premier venu l'aurait cru plus âgé de 10 ans. Ce qui contribuait le plus à le vieillir était une magnifique perruque d'un noir de jais dont il était affublé. Quelle calamité l'avait ainsi rendu chaude, de si bonne heure. Si toutefois une calvitie précoçait un malheur, je ne saurais le dire. Mais il avait tout le sommet du crâne entièrement dénudé, et il avait préféré la perruque à la calvitie. De grands efforts avaient été faits pour dissimuler le caractère artificiel de sa chevelure d'emprunt. Mais de pareils efforts n'ont jamais réussi. Lord Ongar était en outre mince, grêle, de chétive apparence, et la vie qu'il avait menée n'avait pas peu contribué à l'amaigrir et à le débiliter. Les gens le croyaient vieux, mais le temps avait passé rapidement pour lui, et il se croyait jeune encore. Il chassait bien qu'il ne pût monter à cheval. Il faisait le coup de fusil bien qu'il pût marcher à peine, et malheureusement, il buvait aussi quoiqu'il fût incapable de supporter la boisson. À la fin, ses amis lui avaient persuadé que l'unique moyen pour lui de renaître à la vie était de se marier, et c'est pourquoi il s'était fiancé à Julie Brabazon, qu'il avait achetée au prix d'un très riche douaire. S'il venait à mourir avant elle, Ongar Park devait lui revenir, avec une pension de plusieurs milliers de livres sterling. Le château de Corton, résidence patrimoniale de la famille, reviendrait naturellement à l'héritier du nom. Mais Ongar Park passait pour la résidence la plus délicieuse qu'il y eût dans un rayon de 30 000 aux environs de Londres. Elle était située au milieu des collines du Surrey, et tout le monde en vantait les charmes. Or, ceux qui voyaient les deux futurs époux ensemble ne doutaient nullement qu'elle ne dût entrer bientôt en jouissance de son douaire. Lady Clavering avait habilement négocié ce mariage, et Sir Hughes, bien qu'il fût peu disposé à donner la moindre chose sur sa cassette privée à sa belle-sœur, s'était conduit comme un beau-frère le doit, en s'occupant de son bonheur futur. Julie Brabazon, de son côté, était convaincue qu'elle avait adopté le meilleur parti pour avoir Harry Clavering. Elle l'avait aimé au temps de ses rêves romanesques, mais elle avait vieilli plus tôt que lui et s'était convaincue que les idées romanesques n'étaient plus de mise dans sa situation. Elle était de naissance noble, fille d'un père d'Angleterre, mais sans fortune et même sans résidence qui lui appartint. Elle avait donc naturellement accepté Lord Ongar, et en lui cédant sa main en échange de tous les biens qu'il lui apportait, elle avait résolu de lui être fidèle. Ce serait un pénible devoir sans doute, mais c'était une raison pour le remplir avec d'autant plus de rigueur. Le mois de septembre s'écoula. On massacra des centaines de perdrix et le jour des noces approchait. C'était un plaisir de voir Lord Ongar et son air de satisfaction à ce moment-là. Il était rajeuni et il lui semblait qu'il prenait goût à la vie décente et honorable qu'il menait depuis quelque temps. Il avait considérablement réduit sa ration de vin, s'abstenant soigneusement de liqueur, et se trouvait bien de sa tempérance. Il était heureux de pouvoir dire à ceux qui lui souriaient « Vous le voyez, je suis capable de me contenir dès que c'est nécessaire. » Durant ces deux jours, il pouvait chasser pendant une heure sans le secours de son poney. Il prenait de bonne humeur les plaisanteries douces et joviales de ses amis sous la cour qu'il faisait à Julie, dont il admirait franchement la beauté. Elle n'était ni impérieuse, ni exigeante, ni sentimentale, et jamais obséquieuse. Sans l'importuner jamais, elle était prête à rester en sa compagnie aussitôt qu'il en exprimait le désir. Elle n'était nullement enflée de sa fortune, mais elle conservait l'attitude qui convenait à une femme de naissance noble et d'une incontestable beauté. « Je vous assure que vous avez rendu votre mari amoureux, » dit un jour Lady Clavering à sa sœur. Quand il avait été question pour la première fois de ce mariage dans l'hôtel de Sir Hughes à Londres, Lady Clavering s'était attachée surtout à faire l'éloge de Lord Ongar, ou plutôt de la position qu'il ferait à la future Lady Ongar. Mais depuis que la position était assurée et qu'il était devenu évident que Julie serait un jour plus grande dame qu'elle-même, elle avait quelquefois essayé de toucher à une autre corde. En tant que sœur, elle avait travaillé au bonheur de Julie, mais comme femme, elle ne pouvait s'empêcher d'établir des comparaisons tendant à prouver qu'après tout, Julie ne faisait pas une bien plus brillante affaire que sa sœur aînée. Hermione n'avait épousé qu'un simple baronnet, qui n'était ni le plus riche ni le plus aimable des baronnets. Mais son mari convenait sous le rapport de l'âge et de la fortune et aurait pu inspirer de l'amour à la première jeune fille venue. Elle ne s'était pas vendue pour devenir la garde-malade d'un libertin usé. Elle n'aurait jamais fait de pareilles remarques, n'aurait peut-être même jamais eu de pareilles pensées, si elle n'eût vu Julie et Lord Ongar se promener ensemble dans les bosquets de Clavering comme un couple de jeunes amoureux. Elle croyait de son devoir de faire comprendre à sa sœur que Lord Ongar ne pouvait être un jeune homme romanesque et qu'elle ne devait pas l'encourager à jouer un pareil rôle. Julie, répondant à sa sœur dont elle devinait les secrètes pensées, lui dit « J'ignore si j'ai rendu Lord Ongar amoureux. Je m'imagine qu'il est à peu près comme tout le monde à la veille d'un mariage. Je veux dire qu'il a pris depuis peu des airs de Roméo, que nous ne nous attendions guère à lui voir. Encore un peu de temps, et nous le verrons sous vos fenêtres avec une guitare. Je ne le crois guère, il fait trop froid. Et puis il n'est pas au masla, car il aime à se coucher de bonne heure. C'est ce qu'il a de mieux à faire, » reprit Lady Clavering avec un air sérieux et un ton de véritable sollicitude. « Je suis surprise du bien que lui ont fait la régularité et une vie tranquille depuis quelques jours. Je le remarquai l'autre jour, il marche à présent d'un pied presque aussi ferme que Sir Hughes. Vraiment, j'espère qu'il n'aura pas une volonté aussi ferme et aussi impérieuse que Sir Hughes nous la montre parfois. » « Quant à cela, » dit Lady Clavering avec un petit tremblement dans la voix, « je crois qu'ils se ressemblent assez. On dit que Lord Ongar est très absolu dans ses volontés. Un homme doit avoir une volonté à lui. Et les femmes aussi, ma chère, n'est-ce pas votre avis? Mais pour revenir à ce que je disais, si Lord Ongar continue à prendre soin de lui, il deviendra un tout autre homme. Hughes dit qu'il ne boit presque rien à présent, et s'il allume parfois un cigare dans le fumoir, il ne l'achève presque jamais. Faites tout votre possible pour le guérir de son goût pour le cigare. J'ai entendu dire à Sir Charles Poddy, le fameux médecin, que pour lui les cigares étaient encore pires que l'eau de vie. Julie écoutait d'un air calme toutes ces remarques. Elle en avait pris son parti en attendant que son heure vînt, car elle comprenait que ces petits désagréments faisaient partie du prix auquel elle devait acheter sa position. Il lui était fort peu agréable d'entendre répéter les remarques de Sir Charles Poddy au sujet du tabac et de l'eau de vie consommée par l'homme qu'elle allait épouser. Elle eût mieux aimé entendre dire qu'il faisait en un jour 60 000 à cheval ou qu'il dansait toute la nuit, comme c'était le cas pour Harry Clavering. Mais elle n'avait pas voulu de lui. Elle avait fait son choix les yeux ouverts et n'allait pas se plaindre de son marché, puisque dès le principe, elle avait connu la valeur de ce qu'elle achetait. Elle n'en voulait pas non plus à sa sœur. « Je ferai de mon mieux, Hermione, » lui dit-elle. « Vous pouvez en être sûre. Mais il y a des choses dont il vaut mieux ne pas parler. C'est vrai, mais j'ai cru devoir vous faire connaître ce que Sir Charles avait dit. J'en sais bien assez là-dessus, ma sœur. J'en sais aussi long que vous, j'en suis sûr. Mais que cela ne vous inquiète pas. Si Lord Ongar a renoncé à fumer, j'en suis fort aise. Je voudrais que tout le monde y renonçât, car je hais l'odeur du tabac. Hughes, votre mari, devient insupportable sur ce point. Il ne pense même plus à changer de vêtements quand il a fumé. » Lorsque Sir Hughes et sa femme se retrouvèrent ensemble la nuit suivante, celui-ci dit à Lady Clavering « J'en conviens avec vous. 60 000 livres de rente sont un fort beau denier, mais Julie s'apercevra bientôt qu'elle épouse un Turc. Je crois qu'il ne vivra pas longtemps, qu'en pensez-vous? Je ne sais pas s'il vivra longtemps ou non, et je m'en inquiète peu. Mais sur ma parole, c'est l'homme le plus impertinent que j'ai jamais eu dans ma maison. Je ne pourrais pas le supporter 15 jours de plus. » Pas même pour assurer le mariage de Julie. Tout sera bientôt terminé. Jeudi prochain, ils seront partis. Croiriez-vous qu'il a eu l'impudence de dire à Cunliffe, c'était le nom du garde-chasse de Clavering, de lui dire devant moi qu'il ne connaissait rien en fait de faisant. Pourtant, my lord, a repris Cunliffe, je crois que nous en avons quelques couples dans le parc. Un bon petit nombre, a repris Lord Ongar avec un dédaigneux sourire. « Eh bien, si je n'ai pas ici du gibier 1000 fois plus beau que lui à Corton, je veux bien être pendu. Mais voyez-vous cette impertinence de dire cela à Cunliffe, à ma barbe ?» Lui avez-vous répondu ?« J'en ai autant qu'il m'en faut, » lui ai-je dit. Il s'est éloigné sans bruit d'un air boudeur. « Je ne voudrais pas être à la place de sa femme. Vous pouvez dire cela de ma part à Julie. » »« Julie est une femme fort adroite, » reprit Lady Clavering. Le jour du mariage arriva et la cérémonie fut célébrée à Clavering avec la splendeur voulue. 4 demoiselles d'honneur arrivèrent de Londres le jour précédent. Il y en avait déjà 2 qui habitaient le château et les 2 cousines du presbytère complétèrent le nombre. Julie Brabazon n'avait jamais été liée intimement avec Marie et Fanny Clavering, mais elle les connaissait trop pour se dispenser de venir à son mariage et prendre part à la cérémonie. En outre, elle s'était souvenue de Harry et du roman des jours déjà lointains. Harry apprendrait avec plaisir qu'elle avait eu cette attention pour ses sœurs. Quant à lui, elle le savait, il serait dans son collège. Elle lui avait demandé, il est vrai, s'il viendrait à son mariage, mais elle avait vu avec plaisir son absence. Elle n'avait pas beaucoup de regrets de son côté, mais il lui était agréable de penser qu'il en avait. Marie et Fanny furent donc priées par Julie de l'accompagner à l'hôtel. Elles eurent préféré refuser, mais leur mère leur avait dit que cela n'était pas possible. « Cela produirait des mésintelligences dans la famille, et votre père veut éviter cela par-dessus tout. » « Quand vous dites que papa désire particulièrement quelque chose, maman, cela veut dire que vous y tenez, vous, très particulièrement, » dit Fanny. « Mais puisqu'il faut le faire, on le fera. Puis je saurai comment il faudra m'y prendre quand viendront les noces de Marie. » Les cloches sonnèrent à toute volée pendant la matinée, et tous les habitants de la paroisse étaient autour de l'église attirés par la curiosité. De mémoire d'homme, aucun lord n'avait encore été marié dans l'église de Clavering. Et l'on savait que Lord Ongar devait épouser la sœur de Milady. C'était tout comme si elle eût appartenu à la famille Clavering elle-même. Pourtant, la joie des habitants n'avait rien d'enthousiaste. Il ne devait y avoir ni feu de joie ni banquet, où l'on festinerait aux dépens de Sir Hughes. Il n'y aurait même pas de largesse faite aux pauvres par Lady Clavering en cette occasion. À vrai dire, le seigneur du lieu n'avait pas coutume de faire de pareilles gracieusetés à ses tenanciers. Une certaine somme fixe était donnée par Sir Hughes à Noël pour acheter des couvertures et du charbon aux pauvres. Encore, cela donnait-il toujours lieu à quelques chamaillis entre le recteur et l'intendant. « S'il faut faire tant de bruit pour cette bagatelle, avait dit le recteur à celui-ci, je ne vous demanderai plus rien. » « Plus au ciel que mon oncle, ta parole, avait répliqué Sir Hughes en apprenant ce propos. Pour toutes ces raisons, il n'y avait pas une bien grande jubilation dans la paroisse, bien que toutes les cloches fussent en branle et que les gens jeunes et vieux se fussent attroupés autour de l'église pour voir le lord emmener son épouse sortir de l'église. « Quel chétif et piètre mari !» dit l'un, « et comme il s'en va chancelant. Mais par ma foi, ce n'est que la moitié d'un homme. Une fille forte comme elle est pourrait le renverser d'un souffle, » ajouta une vieille fermière dont le jugement fut confirmé par tous les gens de la paroisse. Mais bien que le dit lord ne fût que la moitié d'un homme, Julie Brabazon, en sortant de l'église, était comtesse des pieds à la tête. Quel que fût le prix qu'elle avait payé, elle avait obtenu en tout cas ce qu'elle avait voulu acheter. Et en montant dans la voiture qui l'emmena à la gare du chemin de fer de Douvres, elle se dit qu'elle avait bien fait. Elle avait fait choix d'une position comme Harry avait fait le sien, et ayant réussi jusque-là, elle ferait tous ses efforts pour couronner son succès. On l'appellerait mercenaire. Sans doute, elle était mercenaire. Ne sont-ils pas tous mercenaires, ceux qui se voient dans la nécessité de gagner leur pain quotidien? Il y eut un grand déjeuner au parc pour les gens de qualité, et dans cette occasion, le recteur consentit à accepter l'hospitalité de son neveu, pour lequel il avait une cordiale aversion.